Martino Nacho. Hey, hey. Martino Nacho. Ça a commencé. Ça a commencé. Martino Nacho. Je ne savais pas. Et Piero Loco. Pour un bon et troco. Et c'est l'épisode 32. Merci pour toutes ces intros. Salut Martino. Salut Piero. Merci. Hein. Je me disais il n'y a pas longtemps qu'on pouvait faire au moins 15 minutes d'intro de Piero. Ah ouais, additionné ? Ouais. Je pense qu'on est à peu près à 15 minutes. Je sais pas si ça s'écoute, si c'est agréable à écouter. Mais... Je suis pas sûr. Mais tu m'as fait des belles trucs. Hein. Ouais. Des belles intros. Quoi. Oui, à chaque fois j'ai envie de lancer le micro sans te prévenir. Donc là je l'ai fait un petit peu. Tu l'as quand même fait parce que j'écoutais pas du tout. Je regardais pas, j'étais pas attentif. Parce ouais. qu'on est dans un environnement bruyant et très grand. Et du coup j'ai du mal à me concentrer. Mais je vais le faire pour vous. Mais c'est très bien. On décrit où on est. Allez. Alors je le fais. On peut le faire ensemble si tu veux. On est à Fresnes. C'est un podcast à deux. On est à Fresnes dans la cour de promenade. Et du coup, il y a. Oui, bah oui, Jean-Louis, oui. On a réussi à rentrer le matériel. Voilà. Qu'est-ce que je suis ? Oui, ma mère est une. Oui, bah c'est pour arrêter de dire ça. C'est quatre fois que tu me le dis, Jean-Louis. Allez. Oui, bah je t'enverrai pas de barrette. Oui, bah c'est bon. Allez, t'as mon numéro. Oui, tu vas me niquer. Ah putain, c'est chiant. Non, mais c'est pas évident de travailler en prison. Non. Nique ta mère, oui, encore, oui, c'est bien. Ouais. Arrête. Bon. Après Jean-Louis c'est pas le plus méchant. Hein. Non. C'est celui qui est en train de t'étrangler qui est on sait pas comment il s'appelle. Ouais, c'est... Arrête, tu peux le lâcher. Non. Ouais. Non mais MMA oui, j'ai tapé sur l'épaule. C'est stop. Ça... Oh, ouais. Purée. C'est très gênant. On a un groupe de 15 personnes autour là. C'est... Allez, bah voilà, on fait un atelier radio en prison. c'est le premier sponsor. Donc merci à la prison de Fresnes. Voilà, qui s'est rendue très vite disponible pour nous accueillir. Merci à elle. On a prévu de faire des tournées, donc Falampin, on arrive fort. Pa, pa, pa. C'est pas Falampin. Falampin non. Vendin-le-Veille, non ? Vendin-la-Vieille. Il n'y a le pas vieille. Ça ? Si, si, il y a. Mais c'est Kievrechain. Kievrechain, il y a une prison. Bon, bah voilà. On les connaît toutes, surtout Martin, ça fait peur. Arras. Arras ? Bapom. J'ai cru que c'était encore. Non, mais moi, j'ai vraiment travaillé. Je fais des ateliers de musique en prison. Du coup, j'ai tout fait. Moi, je croyais que t'es Jean-Loup qui me disait Taras. Non, il y a Bapom, Arras. On en a 12. Béthune ? Je l'ai fait toute ou... Non, dans les Hauts-de-France ou... J'ai fait que les Hauts-de-France, ouais. Ouais, super. À Rivry ? Il n'y a pas à Rivry. C'est Amiens, s'il y en a une. Ouais, mais... Ah, le... bah, pardon, j'ai fait que le Nord-Pas-de-Calais. Oh là, tu m'as eu. Ah ouais, je suis nul en géo. Oh, je suis nul en géo. Foufou. Et après... Donc bon, voilà, bref. En fait, on n'est pas à la prison. Vous exact. Avez compris, c'était un prank. On est à Chaud-Bouillon. À Fives. On a déjà fait un podcast sur le banc qui donne sur ce... Ah ouais, c'est vrai. En oui. face de la salle d'escalade. Et il y avait du vent. Mais là, on est dans le troquet. La dernière fois, on était sur un banc. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est banc et troquet. Deux choses bien distinctes. Voilà. On a même hésité à s'asseoir sur un banc dans ce troquet. Bon, à vrai dire, c'est pas vraiment un troquet. C'est très grand comme troquet. Et l'avantage, c'est qu'on espace les épisodes de façon très, très éloignée, ce qui fait que vous avez oublié où on a déjà fait les... Bien sûr. C'est déjà une stratégie de base de ne pas faire si régulièrement des épisodes. On voit que les podcasts qui marchent, c'est ceux qui sont comme ça, irréguliers. Quoi. Et c'est ce qu'on avait inscrit dans notre PME, hein, dans notre PMT, dans notre plan moyen exact. Terme. Voilà. On a travaillé... Ne pas être régulier. En brainstorming, tout là, ça. Là, on est sur deux épisodes en deux semaines. Ouais, c'est un peu... Rendez-vous dans 6 mois. Ciao. Nous, on se reverra cet été. Hein. Arrivederci. On vous a situé le lieu, on vous situe le moment. On est vendredi. Pluvieux. Très pluvieux. Nul. Week-end de merde. Il est 19h à peu près. Non, 18h. 18h40, on a pris quand même une petite canette. Il n'y a pas grand monde, même s'il y a du bruit. Ça va arriver. Hein. C'est beaucoup de familles. C'est sorti d'école et j'ai envie de boire une bière. Exactement. C'est ça le public un peu. Ouais. Donc le test qu'on a fait la semaine dernière avec le micro d'ambiance, rapidement, on l'a annulé. Hein. Bah, on pourra l'utiliser, mais là, il y a trop de réverbération. On est sur une structure métallique, ancienne... C'était quoi ici ? C'était du coup un truc avec des trains... C'est une ancienne gare ferroviaire marchande, non ? C'était ça ? Je pense qu'il y a des rails, non ? Parce que Fife Kyle... Si, c'est ça. C'était ouais, une entreprise Kyle, à la base. Open, ouais, je sais pas. Qui fabriquait... Je sais qu'il y a une entreprise... En tout cas, c'est métallique, ça résonne de fou. Qui quoi. Fabriquait du sucre. J'irais pas avec mon fils ici. C'est possible que ça fabriquait du sucre. Ah non, le sucre. Ouais, t'as raison, c'est le grand truc blanc qui est encore là, la grande cheminée. Là. Mais Fife Kyle, c'est des... C'est une usine. C'est... Ah, je sais pas si c'est le même truc, mais c'est une usine à la base qui... d'ingénieurs pour fabriquer des usines. Si, et t'as raison. Et je pense qu'en fait, juste, il y a des rails ou un système comme ça de pont roulant pour aller livrer la gare qui est à côté, en fait. Gare Saint-Sauveur. Exact. La gare, tu sais qu'il y a encore les rails, hein. Ils peuvent la rouvrir, ils peuvent refaire une gare, s'ils veulent. Je voulais dire un truc, mais je m'en souviens plus. T'étais sur vendredi, pas beau. Il fait pas beau, il pleut. Oui, oui, exactement. C'était encore le contexte. Viens, j'ai Martin. J'ai même tu pas écoutes. Je suis concentré. Ouais. À tous les rageux qui disent que Martin n'écoute pas. Bande de rageux. Vous êtes, si vous lui, si vous tourne le dos, hein, si vous tourne le dos, si vous parle, si te parle dans le dos, ils sont bien placés pour embrasser ton Luc. Waouh. T'as capté? Ouais. T'as capté. C'est quelqu'un qui a dit ça avant toi, non? C'est ouais, répété ouais, ça. C'est beau. Ma compagne. Ah ouais. Ouais. Parle bien. Elle parle bien. Elle m'a dit demande à Ted. Ted des merdes. Oh, prenez des notes, ça va. Eh ouais, si à un moment vous avez des battles de prévu. Et donc, là, on se réhabitue avec des. Il commence à faire moche, à des lieux en interne. Ouais, ça y est, c'est avec parti. Des... Là, très peu de terrasses à venir. Hein. Et des gens qui nous regardent. C'est ça la différence aussi. C'est ça. Ce qui m'a perturbé, parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait, mais finalement, ça va. Et encore, c'est moi qui ai peut-être plus de visu sur les gens. C'est clair, moi j'ai un mur, ouais. Ouais. C'est quoi sur le mur? Bah, il y avait les temps forts, les restos et la prog de la semaine. Ok. Et on n'est pas annoncé. Suffisamment, il n'y a pas écrit Banque Troquet, il y a écrit quoi? Vendredi, atelier, mille et une fresques. Voilà. Voilà. On mettra notre petite patte dessus. Voilà. Donc voilà, vous savez tout. J'espère que vous êtes bien installés. On va pouvoir démarrer. Donc, soit vous êtes allongé, a priori. Soit vous êtes sur un vélo, soit vous êtes en voiture. Voilà. Soit vous êtes dans les transports en commun. Soit vous êtes. Au travail et vous travaillez pas. Ouais, parce que je suis pas sûr que ça marche dans les bars. Si t'es barman à cette heure-ci, que t'écoutes Banque Troquet, je suis pas sûr que... Ouais, peut-être à... ouais, dans l'après-midi. Tu voulais en lancer... Je sens que Pierrot veut lancer un sujet. Toi, j'ai pris mes petites notes. Moi aussi, j'ai pris des notes. J'ai un truc nul, c'est un vieux truc. Pas un truc c'est nul. Marrant, et on dit souvent ça. C'est vrai, on se débat. Souvent, je t'ai dit, j'ai un sujet pourri. Ouais. Et tout à l'heure, j'étais avec une collègue, je lui ai demandé... Pour rire, hein, parce que je ne m'attendais pas vraiment à une réponse. Je lui dis, t'as pas un sujet de merde de discussion? Ouais, j'ai dit ça. C'est bien. Je t'ai eu au téléphone juste avant pour décider du lieu. Je fais, nourris-toi des gens. Bah, bah, elle m'a dit, ok, ça dit quoi Elle m'a répondu quand même. Elle m'a dit, t'as 40 ans, le vendredi, tu sors pas. Ça fait quoi? En gros, elle voulait pas sortir. Voilà. Ah, est-ce que c'est mal vu? Oui, est-ce que tu le vis bien d'avoir 40 ans et de te dire un vendredi je sors pas quoi. Ah bah ça ça on s'en bat les couilles quoi, non? Je sais pas, moi j'ai écrit vendredi 40 ans dans son lit. C'était pas un sujet vrai que je voulais développer, mais on peut le développer. Ah non mais bah, ça dépend si t'as envie de sortir ou pas. Bah là il pleut donc c'est facile, il est sorti toute la semaine. Ah ouais, si t'as pas envie de sortir bah tu sors pas quoi, je sais pas. Oui mais il y avait une teuf, on lui avait proposé une teuf. Ah ouais, alors c'est peut-être le FOMO ça alors. Alors, j'ai pas compris, moi, ce que c'était FOMO. Tu peux m'expliquer? C'est par exemple... FOMO! Non, je rigole. T'as loupé... tu vas pas à un truc et t'as peur de louper quelque chose. Okay. Ouais, par exemple, il y a une soirée, tu dis, ah, la flemme d'y aller. Tu dis, mais en même temps, je suis pas là, je vais louper ça. Ou... Et du coup, t'y vas? Ou juste FOMO, c'est la... Ça peut te forcer à y aller. Alors que t'as pas envie, mais t'as envie de chez toi. Mais c'est des lettres qui s'écollent et qui veulent dire un mot ou... C'est un truc en anglais, ça doit être un acronyme. Force or origami. Force of a soldier. Ouais, go to Iraq, let's go. Ah, ok. Et les gars qui regrettent de ne pas être allés à la guerre, je crois que c'est ça. Ok. Non, pas du tout. Mais en fait, ça ne détermine pas si tu iras ou tu iras pas. Quoi. C'est juste FOMO, c'est juste la réaction à. Le côté seum, de. Ça, le sentiment de louper un truc. Ok. Et tu as le seum. Il y a des gens qui ont peur de ça tout le temps. Ouais, voilà. Mais ouais, je crois que c'est bien le mal-être de nos sociétés en fait. Ouais, on se met la pression en fait. Ouais mais c'est marrant de te dire, en même temps t'es sorti toute la semaine, c'était fatigué, t'es fatigué. Hein. Ouais et puis elle rentrait de Charleville-Mézières en plus. Ah. Je lui dis bah t'es fatigué. Ouais. Puis tu t'es pas reposé. Puis c'est vrai qu'il fait pas beau. Et il fait pas beau, on est en vélo hein. Pour vous rappeler, on se déplace uniquement en vélo, l'impact carbone de Banque Troquet est de zéro. Les micros sont recyclés. Là, au dernier podcast j'ai dit qu'on en avait un à chaque fois, et que c'était jetable. Ah ouais. Mais après ils savent plus les gens maintenant. C'est vrai que je l'ai pas écouté. Ouais. J'ai pas fait le contrôle qualité. Bah, il est magnifique. N'hésitez pas à faire des retours. D'ailleurs, on était sur un banc et troquet géré chez vous. Et maintenant, je me demandais si les gens ont des besoins en termes de podcast. Par exemple, j'organise un voyage, je vais partir en Égypte. J'ai besoin d'un petit podcast pour le voyage ou pour dormir. N'hésitez pas à commander, on est là, on répond. Ou sinon, ouais, si vous avez des sujets, vous savez pas trancher, on vous aide à trouver un point de vue. On débat. Ça peut devenir participatif, c'est ce que je me disais. Ah, c'est pas mal. Par exemple, tu vois, Louis, il a demandé 5 heures de podcast. Bon, bah voilà. Ouais, il en aura 2, c'est bien. Il aura quasiment 2 heures. Hein. C'est pas mal, quand même. C'est pas mal. Hein. Ça dépend si on fait 1 heure ce soir. Est-ce que t'as un morceau de 14 minutes? J'ai un morceau de 10 minutes pour la fin. C'est vrai? Ouais. Oh, trop bien. C'est vrai? Ouais. T'as fait exprès? Non, c'est en rapport avec mon culture, mon poids culture. Ah, t'as des points culture, toi. Ma proposition culture, okay. Culturelle. Ok. À la fin de ça, on fait oui, ça. Oui, la fameuse chronique, oui, bien sûr. Avec la chronique mode. On revient à mon sujet. Excusez-moi, pardon. Ouais. Qui est un peu nul. Voilà. Ah oui, c'était ça, on se dénigrait un petit peu. Ça part de ça. On se dénigre en disant c'est pas un sujet foufou. Ah oui. Et donc, sachez qu'on n'est pas trop des beaux gosses et pas trop intelligents. C'est la base du. C'est pas vrai. C'est des mensonges. Alors, j'ai vu encore un truc sur Internet. C'est fou, Internet. Il y a un truc qui s'appelle Drive and Listen. Et qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est en gros une bagnole. Le plus souvent, c'est une bagnole, mais ça peut être d'autres moyens de locomotion. Ça peut même être à pied. C'est en gros un mec ou une voiture. Il y a une. Elle a une caméra et elle se balade dans la ville. Je sais pas si c'est en temps réel, mais dans une ville. Du coup, tu choisis le pays, la ville, et là, tu vois une bagnole qui se balade en ville. Et toi, t'es du point de vue du conducteur. Ok. Et du coup, tu dis bon, bah tiens, je vais aller me balader au Cambodge. Et tu peux monter dans une voiture. Ouais. Et qui met de la musique. Ou c'est l'environnement. Tu peux. C'est l'environnement, mais je crois que tu peux choisir la radio. Ok. Tu peux choisir la radio. Stylé. C'est un peu comme GTA, quoi. Il y a un petit côté comme ça. Mais la personne, elle conduit normalement, quoi. C'est hyper lent. Ça s'arrête au feu. Tu crois qu'elle est payée, cette personne ? Je sais même pas. Putain, moi, je ferais bien ça. Et je trouve ça marrant, quoi. Ouais, c'est marrant. Mais il y a un côté... Il faut vraiment pas avoir de... C'est un peu de no life, quand même, regarder ça, je trouve, non ? Bah, je crois que ça se met beaucoup en fond. Tu sais, les gens, ils mettent ça en fond, un peu comme un feu de cheminée, ou genre, ils jouent aux jeux vidéo, il y a ça en fond. Puis tu dis, ah ouais, putain. Mais on ferait pas ça pour quand on mixe, quand on passe des vinyles, on met ça ? En fond, drive and listen ? Pourquoi pas ? Ah oui, j'ai trouvé ça fascinant, quoi. Oui, parce que les gens, ils peuvent phaser, en fait. Mais t'as raison, mais il faut plus l'utiliser comme un VJing ou un truc comme ça, quoi. Ah, les gens, ils phasent, hein. En fait, tu peux pas regarder ça, genre, dans ton canapé, quoi. Non, tu regardes pas vraiment. T'as raison, ça doit être un fond, quelque part, projeter une projection, quoi. Un peu comme de l'ambiante. Ça met une ambiance. C'est quoi de l'ambiante ? La musique ambiante ? Ah oui, mais t'as dit de l'ambiante. Je croyais que c'était un truc... On dit, ouais, l'ambiante. Ouais. Martin me fait signe, parce que j'allais poser mon bière sur la table. Et pas du tout. Et sauf qu'en tout début de podcast, j'ai fait mets-le sur la table d'à côté parce que celle-ci elle bouge et j'ai peur pour les micros. Et j'arrête pas de la mettre où ? Ma bière ? Ah, juste j'allais le mettre une fois et comme je dis. Moi j'avais fait tout le temps, t'arrêtes pas de me la bouger, c'est pour ça que j'ai rigolé. Donc voilà, c'est assez court. Hein. Mais non, mais c'est intéressant je trouve, de l'utiliser en genre en fond de truc en soirée quoi. Genre t'es là, tu fais la teuf et à un moment t'es avec ton pote, tu discutes et tu regardes. Voilà. Toi, tu peux phaser sur ah putain, mais on est où là ? Tu vois, genre, tu peux essayer de trouver où c'est. Et puis, tu peux t'amuser juste de voir le truc, quoi. Je sais pas, non, je trouve ça cool. T'as aussi en vélo. Je regarderai jamais, quoi. Ah, en vélo, c'est encore mieux, je pense. Ouais, t'as vélo et. Mais là, faudrait des mecs qui roulent comme des dingues, tu vois, des single speed ou des trucs comme ça, tu vois, qui sont dans les rues de New York, San Francisco, j'en sais rien, moi j'irais direct là-bas, quoi. C'est vrai. Je pense, si là, je devais choisir maintenant, pendant notre bon troqué, une ville que je puisse regarder. Je prendrais un désert, tu vois, pour que je sois un peu concentré sur le podcast, tu vois. Genre route 66, on sait rien, tu vois. Ouais, mais tu vois, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, tu peux aller dans tous les pays du monde. Bien sûr, tu n'y es pas physiquement, mais tu peux voir un peu à quoi ça ressemble, quoi. Exact. T'as pas l'ambiance, tu parles pas avec les gens. Mmh. Et à une autre époque, moi, je sais que, au plus jeune, l'Afrique... T'ouvres un atlas. Bah, l'Afrique, ça me fascinait, tu sais. Mmh. Parce que, tu sais, on... Et aujourd'hui, plus du tout. Bah, non, c'est quoi ? Si, non, mais toujours, tu sais, avec l'école, on décrit... Genre c'est le tiers monde, c'était tout le temps. Oui, je me rappelle. Ouais. Et donc moi je me disais, bah là-bas il n'y a pas de route, il n'y a pas de truc. Donc tu te dis, mais comment c'est quoi, ouais. Comment elles sont les infrastructures Bien sûr, je ne sais pas ce mot-là à l'époque. Mais ça faisait un espèce de gloubi-goulba dans ma tête. Oui, oui. Sans... Et maintenant tu peux mettre des images. Tu peux... Exactement. Comme j'avais vu je sais plus, c'était un mec dans une interview qui lisait beaucoup, qui était un intellectuel. Et qui disait qu'il voyageait pas, tu vois. Mais il disait qu'il lisait beaucoup. Et en fait, de lire, lui, c'était ça qui le faisait voyager dans certains pays. Donc il disait, l'imaginaire travaille plus, ouais. Il disait, je sais comment est le Cambodge, puisque je l'ai lu dans plein de livres, mais il n'est jamais allé. Mais ça lui suffisait en termes de voyage et de. Mais c'est sûr. Et de combler. Donc voilà, je trouve et ça. Et du coup, moi, ça me fait penser, tu sais, les mecs qui jouent au jeu de. Justement, toujours par rapport. Maintenant, tu connais n'importe quel pays du monde, les panneaux de signalisation, les. Géoguesseur. Ouais. C'est impressionnant ça quand même, non ? Ah ouais. Ça c'est fou quoi. Et ça c'est pas des mecs qui ont voyagé, c'est pas du tout des mecs qui ont voyagé, c'est des gars qui regardent des vidéos, qui... C'est des geeks, ouais. Ouais, c'est des geeks, c'est pas du tout des voyageurs. Et ils savent trouver à quelques... Je sais pas s'il faut expliquer le concept. Je crois qu'on en a déjà parlé. Ouais, mais ça revient à ça, quoi, un peu. C'est en gros, on te met sur Google Maps et tu dois deviner dans quelle pays t'es, même dans quelle ville. Au plus proche, quoi. Et voilà, t'as un certain temps donné. Il y a des gars qui arrivent à être à 100 mètres, quoi. Il y a des gars qui arrivent à trouver en 2 secondes. Ouais. Voilà, t'as raison, on en a peut-être déjà. Si, ouais, je crois que t'en as. Mais là, c'était un autre angle. C'était un autre angle, en fait. Ça n'avait rien à voir. Donc voilà, Drive and Listen. Ouais, j'avoue, j'y suis allé. J'ai découvert ça une fois où j'ai vu des mecs sur Twitch en parler. Et ils le mettaient en fond quand ils discutaient. Et après, j'avais oublié ce que c'était. Donc j'ai refait des recherches, j'ai galéré. Et j'ai retrouvé, j'ai un peu bidouillé sur le site. Mais sauf que j'étais en train de travailler, donc je suis pas resté. Je suis resté 5 minutes à faire. Ah ouais, c'est marrant ça. Ah ouais, c'est marrant ça. Et voilà, je trouve ça. En fait, je trouve ça fou qu'il y ait un mec qui a eu l'idée de faire ça. Et qu'il trouve des gens partout dans le monde qui le suivent, quoi. Enfin, qui suivent le délire, quoi. Parce que c'est des gens, du coup, c'est comme Wikipédia, quoi. Chacun fait sa vidéo pour nourrir. Mais je suis pas sûr que ça soit en direct, par contre. Bah, je pense pas non plus. Mais ça serait tellement fort, quoi. En direct ? En live, ouais. Ouais, j'avoue. Et tu peux voir des trucs, hein. Je sais même pas si tu peux pas tourner. Non, mais à mon avis, c'est des enregistrements. Non, c'est pas GTA non plus. Ouais. Voilà, ouais, je pense que la radio, la personne, elle met pas la radio que tu veux, quoi. Enfin, tu vois, c'est des faux enregistrements de radio, quoi. Oui, ça c'est sûr, ouais. Il y a un petit logiciel à c'est côté. C'est comme radio oh. Ouais, tu vois pas la main qui dit oh, mais ouais. Bien sûr, il y a Martin du sac 9 d'Elem qui m'a demandé de mettre du Céline Dion. Ouais, j'adore sur cette route-là, s'il te plaît. J'irai où tu iras. Ah, merci. Ah, il chante en plus. Ouais. Cavard, Martin, c'est beau, toi. Mais si on est des millions. Des milliers, des millions, des milliards. Je sais pas, Martin. Ben, le gars, il pourra pas répondre à des millions de personnes. Oui, c'est celui qui mettra les 10 euros, tu vois. Tu mets 10 balles, hop, c'est à toi de passer. Bam. Ben ouais, si je mets 20, je passe devant 10 balles. Non. Tu mettras deux morceaux si tu veux, mais t'attends, il a mis 10 balles. Ok. C'est comme le flipper, quoi. Exactement, tu mets ta pièce. T'as mis ta pièce et je joue, en fait. Babi, billard, bam. Et t'attends d'aller boire une bière et tu touches pas, en fait, en attendant. Ouais. C'est tes crédits ? Je pense pas, non. I don't think so. Est-ce qu'il y a ton nom dans le flipper ? Oui. Il y a pas ton nom dans le flipper ? Pef. Moi, c'est Tain. C'est vrai ? Tain. Tu mettrais Tain ? Je sais pas, j'ai... Je suis sûr que tu mettrais Mar. Bah oui. Mar. J'essaierais même mettre Martin et je dirais « Ah bah non, il y a que trois lettres. Ça, c'est moi, ça. C'est moi qui ai le record de loop, hein. C'est moi. Après, je pourrais être premier et deuxième et faire Mar et en dessous Tain. Ah. Mais bon, est-ce que t'es assez fort au flipper ? Pas du tout. Mais toi, tu connais un champion de flipper ? Ouais, mais je crois qu'on en a déjà parlé aussi, non ? Eh ben, un autre angle. On peut reprendre le premier sujet. Hein. C'était quoi le premier sujet de Paris Troquet ? Drive and Listen. Ah, le tout début ? J'ai eu peur. On a déjà parlé de Drive and Listen en 2018 ? Je pense que dans le tout début, on parle de ton CAP. Ah ouais ? Je pense au tout début. J'ai pas réécouté. Genre, salut, bonjour, j'ai commencé un CAP, quoi. Ouais, et la semaine dernière, merci, on parle du tout début aussi de Bon et Troquet. Oui, ok, c'était un autre angle. Vas-y, j'ai un sujet si tu veux. Ouais, je veux bien, ouais. C'est un autre point of view, c'est vrai. Ouais. C'est un sujet que tu voulais développer, que tu m'as noté, parce qu'on n'arrête pas d'en parler et ça n'arrête pas de revenir. En fait, quand j'étais au lycée, j'étais à Carnanec. Et voilà. Bon, ça me fait beaucoup rire. Moi, je suis pas de Lille, hein, à la base. Je fais mes études à Amiens. Et à la braderie. Il y a quelqu'un qui a dit à Martin « Eh, t'es pas de Carnanec ?» Et moi, je me suis dit « Bah, c'est breton. » »« Bah, c'est breton. » Elle croit qu'il est breton. Mais il est con, elle est con. Et en fait, Carnanec, c'est un lycée. Et après, j'étais comme ça. « Et t'étais de Carnanec, Carnanec. » Voilà, ça, c'est les chansons bretonnes de Pierrot. Oui, c'est ça qui est drôle. Et en fait, ça m'est arrivé plein de fois encore. Ça m'est arrivé 3-4 fois ces derniers temps. C'est pas de Carnanec. Et en fait, c'est un mec pas connu, ce mec-là, quoi. C'est un gars, il a fait un truc dans cette ville, je sais pas, ce qu'il était adjoint au maire ou... Ah, t'as regardé ? Non, bah de mémoire. De mémoire, ah ouais. Je sais qu'il est pas connu, quoi. Parce qu'à l'époque, j'avais dû me renseigner, tu vois. C'est le breton de Carnanec qui s'est perdu. Je sais même pas son prénom, Yves. Yves Carnanec, je crois. Ah, Yves, c'est vraiment un breton, quoi. Yves Carnanec. Bah, Yves Carnanec, voilà. Putain. Et donc, c'était un breton isolé dans le nord Pas-de-Calais. C'est quoi la première lettre ? C'est un K ? K, ouais, non, mais c'est complètement breton, c'est 100% breton. T'es déjà allé en Bretagne ? Saint-Malo ? Parce que là, ce que tu chantes, c'est... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est... comment ça s'appelle, là, quand tout le monde... Une noise ? C'est du noise ? C'est quoi ? Fest noise, fest noise. Ouais, c'est un peu ça, c'est non ? C'est des fest noise, ouais, non, ouais, t'as raison. Et là, on se prend les petits doigts. Ouais, ouais. Ouais, non, mais tu le fais vachement bien, c'est pour ça que je me demandais. Non, mais je me suis dit. En fait, parce qu'en plus, Martin a fait des petits tours à Brest. Exact. T'es pas allé à Quimper. Douarnenez. Ouais, mais t'es allé à Brest il y a pas longtemps. Donc je me suis dit, bah, c'est peut-être quelqu'un. Ah, que j'ai croisé là-bas. Que t'as croisé là-bas et t'étais pas à Carnanec. Mais je me suis dit, bah, c'est une plage, Carnanec, à côté de Brest. Exact, t'aurais pu. Ouais. Mais en fait, non. Voilà. Et du coup, ça a fait beaucoup rire Pierrot ce soir-là. Et du coup, je me suis dit, j'allais en parler. Et c'est sûr, en plus. Mais on va pas creuser de ouf, quoi. Non, mais on va pas creuser. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il s'est passé plein de trucs pendant la soirée, pendant tout le week-end de braderie. Et c'est peut-être ça que je vais retenir du truc. Je retrique Carnanec. Moi, je me rappelle de la prog musicale du Bellou, tu vois. La première vers où on se rejoint, où les gars ils mixent du rock. Oui, c'était bien ça. C'était très quali, je trouvais. Ouais. Et ils étaient à fond dedans. Carnanec. Mmh. Et en plus, j'en ai reparlé à ton frère, tu vois, pour te dire quoi. J'ai reparlé de Carnanec. Il y était aussi, ouais. Bah ouais. Et sa compagne aussi. Hein. Ouais, il y était aussi. Bah tout le monde, mes sœurs aussi. Et mais j'ai eu le même coup. Il y a deux semaines, toute la soirée, tu as eu un after chez moi à la fin avec des copains qu'on hébergeait. Un after gentil, tu vois, c'est tu clignotes et tu bois un coup. Et ils ont parlé de plein de choses, peut-être de choses profondes. Je dis peut-être parce que je ne m'en rappelle plus. Mais juste un moment, ils ont dit à un copain, ils ont dit son surnom, c'est Nadé. Et moi, j'étais comme ça. Ah ouais ? Nadé ? Mais pourquoi Nadé ? Genre, moi, j'avais jamais entendu, selon moi, qu'on l'avait appelé Nadé. Ouais, ouais. Ça, j'ai Keblo tout ça. C'est un rapport avec son prénom ? Non, mais... Rien du tout. Okay. Même pas prénom, même pas nom de famille, je sais pas. Et le lendemain, bien sûr, c'est revenu dans ma tête. Je me suis réveillé en disant quoi ? Nadé ? Non, non, non, il s'appelle Nadé. Et ça m'a fasciné. Et ouais. Le copain à qui, en question, pas celui qu'on appelle Nadé, mais celui qui. Il m'a dit mais Pierrot a retenu que ça. Que ça du truc. T'es grillé. Et je me suis dit mais c'est vrai, j'ai retenu que ça. Non, j'ai pas retenu que ça, parce que ils ont raconté plein d'histoires. C'est des gens qui se sont baladés en bateau. Oui. Et donc, il y avait plein de choses intéressantes. Ils sont allés où ? Ils ont traversé l'Atlantique, je sais pas. Ouais. Les Alizés, ils ont fait les Alizés. Non, ça, ouais. J'ai retenu Nadé. En fait, t'es obligé de passer par les Alizés. C'est un vent, en fait, calme, oui, bah, pour aller tout droit, en fait, du Cap vers... Il y avait la Renault 21 Alizé, tu vois. Moi, ça me parle. Il y avait la chanteuse Alizé. Ouais. Voilà. Bah, en fait, bah, je t'explique. Pour plus tard, si tu veux savoir, pour faire une transat, t'es obligé de passer par là. T'es pas obligé. Mais si t'es pas un marin chevronné, tu passes par là, c'est ça le plus simple. Je verrai si je veux retenir ça. On verra dans 3 mois de ce podcast que ce que je veux retenir. Putain, mais on retient rien, on le sait déjà. Bah ouais, mais il y aura peut-être un truc que je veux retenir. Ok. Moi, je me rappelle qu'on parlait de ton colon dans l'épisode 3. Ouais. C'est vrai que je dirais que je me suis dévoilé, quoi. Ouais, assez rapidement, ouais. Bon, c'est un point of view, on revient. Ah, pardon. Martin. C'est un autre angle. Toi, t'es nostalgique du passé, quoi. Moi, si en fait, ce que j'aime... Non, c'est pas le passé du tout. Bah non, comme moi, j'aime pas ça. Je suis pas très mélancolique. Je sais pas si je suis dans le présent non plus. Ni dans le futur. Je suis où, en fait ? Ouais. Je suis où ? Toi, t'es partout. Moi, je suis un peu volatile. Carnanec. Carnanec, voilà. Bah, Nadé, il était à Carnanec. Nadé. Ah oui, c'est à moi, pardon. Bah non, je peux en dire un autre. Si allez, vous... vas-y. Mais c'est pas ouf non plus. Hein. Toi, des fois, on lise pas, Martin. C'est parce que c'est des trucs, tu m'as dit, mais viens, pourquoi on n'en parle pas ? Donc, déjà, c'est la première fois que Pierrot, il me conseille de noter des trucs. Avant, ça n'arrivait jamais. Et là, en fait, je me suis fait opérer des dents de sagesse. Et ça, c'était intéressant quand même, comme sujet. Parce que se faire opérer des dents de sagesse à 40 piges, bah, tout le monde dit non, en fait, t'as pas envie. Non, et c'est quoi que tu vas voir un estomatologue ? Un stomatologue. Et ouais. Donc tu prends ton dentiste, il dit ah, bah là, faut retirer les dents de sagesse. Toi, tu fais bah, vous êtes sûr ? Il fait bah, en fait, non. Mais en fait, c'est mieux. Donc là, déjà, il te met dans le choix, c'est à toi de choisir. Il fait bah, vas-y, je te fais la note. Tu regardes, c'est t'en as 4, une qui est pas sortie. Tu vas à le stomato avec ça. Tu prends rendez-vous avec le stomato que tu prends au pif. Le premier qui peut bien te prendre, mm-hmm. Tu le prends. C'est une importance, ça, que tu dis, tu l'es pris au pif. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Donc je prends le premier gars qui vient. Après il était écrit que c'est des classes 2 là, je sais pas quoi là. Tu sais, c'est des dentistes qui sont pas normalement trop chers. Ouais. Bon. Il y a les conventionnés, tout ça, non ? Voilà, c'est ça. Et là, je lui dis, bah moi je dois me faire retirer une dent de sagesse. Il y a une dent, tu vois, je le mens un peu tout de suite, tu vois. Il y a l'ordonnance quoi. Ouais. Je lui dis une seule, il me fait bah je peux pas faire une, c'est au moins 2, sinon ça déséquilibre le truc. Il me fait mais là on va faire les 4. T'es perturbé, il doit se passer plein de trucs derrière moi. Non. Je t'écoute, hein. Et donc j'étais deg. Et je suis sorti de ce cabinet devant les gens, j'ai dit bah, merci beaucoup quoi. Genre j'étais dégoûté de Dieu. C'est à moi de signer des papiers pour me faire retirer des dents. C'est à moi de payer. Alors qu'en fait, on me retire un truc quoi. Tiens, je demande pas qu'on me rajoute des dents. Je demande, bah, on me retire et je vais payer. En fait, dans toutes ces histoires, quand tu me l'as raconté, avant que tu le fasses, ce qui m'avait fait rire, c'est que tu m'avais dit « Non, mais je vais négocier pour qu'il m'en fasse qu'une. » Mais ouais, j'ai vraiment fait ça. Et moi, ça m'a fait rire, me dire « Je vais négocier pour en avoir qu'une. » Genre, bah, on négocie pas, quoi. Bah, je pensais que si, j'ai essayé, moi. Non. Et après, le côté que tu négocies, pour moi, c'était tu négocies le prix en plus, tu vois. Putain. Vas-y, tu m'en enlèves 4. Au lieu que ça soit 100 balles, c'est 25 euros. Ouais, du coup, je me suis fait avoir aussi parce que j'ai pas surveillé les trucs et je suis allé dans une clinique. Et en fait, c'est gratuit les dents. Mais moi, ils m'ont pété de. Comment ça s'appelle ? Mutuelle ? Non, de trucs en plus, quoi. De médecins de merde. Comment ça s'appelle ? Les honoraires. Non conventionnés ? Supplémentaires, quoi. Ouais, t'as demandé quoi ? Ils m'ont plombé. Ils t'ont massé ? De quoi ? Ils t'ont fait quoi en plus ? Bah rien en fait, tu passes par une clinique et des machins et du coup tu payes plus quoi. Comment ça s'appelle ? Tu sais comment ça s'appelle là ? Les honoraires quoi, complémentaires. Bon voilà, je suis en négoce avec ma mutuelle pour leur dire qu'ils sont conventionnés ces gens-là, mais je sais pas, bref. Ah, t'as fait une demande de remboursement via eux ? Et la première ils t'ont dit non ? Ouais. Ah, peut-être que la deuxième ça va passer, hein. Moi j'y crois. Bah en gros, je leur ai donné un papier parce que justement la meuf à la clinique elle m'a dit bah nous on est conventionnés, elle l'a écrit dessus. Je fais bah ils vont le savoir non ? Ils me font ouais, mais je vous l'écris. Et du coup, j'ai renvoyé. Ils m'ont dit « Ouais, mais on n'était pas au courant. Ah, » Ils voulaient un devis, peut-être. Bah, c'était trop tard. Ah oui, je sais pas. Mais de où tu fais un devis ? Tu vois, c'est ça qui est ouf. Mais alors, moi, tu dois faire un devis pour savoir ce que tu vas payer. Moi, je l'ai pas fait parce que je me dis « Bah, j'ai dit de toute manière, je dois payer. » Donc, je vais le faire. Enfin, bref, je devais le faire. Mais du coup, je suis en négoce, ouais. Bah, tu fais ils bien. Vont, mais tu trouves ça ouf. Et du coup, j'ai dû aller chercher le... Sur l'assurance maladie, le nom du stomato, le nom de l'anesthésiste, comme quoi ils sont conventionnés via le site de l'assurance maladie. Et j'aurais fait une full screenshot et j'aurais dit, bah voilà, moi j'ai trouvé ce que vous n'avez pas trouvé, quoi. Donc, Ce qui est marrant, c'est que tous les phobies administratifs, là, ils sont en PLS en écoutant bon les trucs, un truc, putain, qu'est-ce qu'ils parlent ? Il faut faire des devis ou il faut... Parce que là, si tu payes trop, tu dis, t'as mis tout... Fais un devis. Ouais. Moi, mon conseil, c'est devis direct. Ouais, et hôpital public, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas aller te foutre dans les cliniques, quoi. Après, j'ai eu une glace vanille fraise. Ouais, voilà. Est-ce que ça valait le coup, une glace vanille fraise ? Mais la prochaine fois, tu le sauras, quoi. Qu'est-ce que tu fais avec ta montre ? C'est parce que là, à 19h02, ou 5, elle me dit comment était ma journée, tu vois. Et là ? Elle dit journée tranquille. C'est vrai ? Ouais. Mon pote, là, tu sais, François, qui a une montre comme toi ? Ouais. Il arrête pas de courir, tu sais ? Ouais. Et elle lui dit qu'il doit arrêter. Ah oui, bah, elle doit dire surmenage, ouais. Ouais, il y a tous les bas, tous les voyants rouges. Je crois que c'est la montre un niveau au-dessus du tien, quoi. Et elle lui met tout rouge et il faut arrêter de courir. Elle lui dit, voilà, faut se reposer, en fait. Ouais. Moi aussi, elle me dit ça. Lendemain de cuite, elle me fait, vous êtes exténué, vous êtes fatigué. Ouais. Parce qu'en fait, ces indicateurs... C'est greffé à tes veines, en fait. Non, elle dit juste... En fait, quand t'as picolé... T'es sous perf. Tu vas m'écouter ou quoi, là ? Bah je peux t'écouter, tout le monde t'écoute en fait, Non, personne t'écoute. Non, j'ai vu un sourd muet là-bas, il m'écoute pas du tout. Venez ici monsieur. Il veut pas venir. Viens ici. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait quoi ? Bah tu t'es moqué. J'ai éloigné mon micro de... S'il te plaît. Et en fait, quand t'as pris une cuite pendant la nuit avec l'alcool... Et tu bouges beaucoup, t'as ton cœur qui bat plus vite. Donc lui, il dit, t'as passé une mauvaise nuit, ton corps a été stressé. Il dit ça. Ok. Et après, comme t'es en gueule de bois, je sais pas, tes battements de cœur sont un peu plus forts. Il dit, bon, bah, t'es fatigué, t'es stressé, donc ça te prend plus d'énergie. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que t'es fatigué. D'accord. Donc c'est... Et après, quand tu vas courir le lendemain de cuite, il te dit quoi quand tu reviens de ta course ? Bah surtout, il te dit, va pas te courir aujourd'hui, mon pote. C'est vrai. Bah oui, t'es exténué. Ah mais vas-y, y a déjà une montre qui t'a arrêté ? Personne m'arrête. Ouais, personne t'arrête. C'est pas une montre qui va t'arrêter, mon gars. Il y a peut-être Karnenek et Nadé qui s'arrêtent. C'est qui ? C'est les deux trucs que je t'ai dit, c'est ton lycée et le pseudo d'un pote. Non, à qui tu fais un tchuss ? Ah, c'est un ancien collègue. Mais non. Si ? C'est vrai que tu connais des gens ? Je connais tout le monde. C'est Michel. Là, Pierrot, il est en train de parler. Pierrot, il parle à son ancien collègue. Là, il va me dire bonjour. Bah, tu passes le micro, hein, s'il veut dire un mot, il peut. Hein. Bien sûr. Je dis son prénom avant. Demande que ce soit intéressant quand même, quoi. Bonjour Nico. Tu veux parler dans le micro ? C'est un podcast, tout à fait. Salut. Waouh, quelle belle voix. Hein. C'est un podcast, ouais. Très belle voix radiophonique. Bah, ça marche bien. C'est une discussion. Ouais. Il m'interview. Donc là, on parlait de dents de sagesse. De dents de sagesse. Et qu'est-ce que c'était ? Bah, que c'est bizarre de faire de retirer les dents de sagesse à 40 piges. Voilà. Voilà. Tu vas te faire retirer les dents de sagesse ? C'est déjà fait. Ah, déjà fait. Quand t'étais jeune ? Ouais. Ouais. 14 ans. Aïe, aïe, aïe. Et t'as douillé, non ? Franchement ? Ouais. Non. Ah ouais ? Ouais, ça fait pas souvent, les gens, ils ont trop mal, mauvais souvenirs, quoi. Tu douilles pas trop. Alors, au début, tu t'enflammes parce que tu gonfles pas tout de suite. Donc, ah. Tu sors, tu te dis, ça va, moi, je vais pas avoir une tête de hamster. Je pense que t'es différent. Puis après, t'es rattrapé par la nature humaine. Et j'ai pas eu si mal que ça. Par contre, j'ai douillé, admettons, une semaine après, parce que j'ai eu un abcès. Aïe, aïe, aïe, et ça, ça c'est dur. Ouais. Ouais. Jusqu'à ce qu'il te le perce, ce qui est très facile. Mais ça, c'est la petite surprise. Et t'as fait les 4 ? Ouais. Aïe, aïe, anesthésie générale. Et vous ? Moi, je les ai toutes. Et lui, vient, on les a retirées il y a peu. Les 4 anesthésies générales, il y a 2 semaines, ouais. Ok, ok. Merci beaucoup. Bah, je vous en prie. Très beau témoignage. Témoignage authentique. Je suis pas loin. On sent le vécu, hein. Puis l'abcès, c'était dur. T'as vu, c'est important d'avoir un témoin. Ouais. Hein ? À ouais, ça marche. Ouais. Salut Nico. Très bonne voix, Nico. Voilà. Un ancien collègue à moi. Par contre, on n'entendra pas tout ce qu'il dit. Non, non, il n'y a pas tout. Mais au début, tu tenais bien le micro, et après, moins. Après, voilà. Ça, on l'entend. Ah bon ? Ouais, même dans mon casque, je l'entends. Je sais pas. Voilà, c'était la fin de l'émission. C'est à qui le sujet ? J'ai bien faire 2 sujets d'affilée les plus intéressants. On a même eu un appel à témoin, quoi. Mais ce qui est beau, c'est qu'il est venu naturellement, il a pas eu peur de parler dans le micro, quoi. Ouais, et puis il a rebondi ça très sérieusement à ma question, quoi. Ouais. Bon, merci, Nico. C'est un vieux collègue. Il était à Kernanek. C'est possible, il est du Nord. Et je crois qu'il est expert comptable maintenant. Tu vois ? Comme quoi ? Alors on a une image hein, des experts comptables. Ah, mais si, non mais on les voit avec des mallettes, des costumes ultra chiants. Nico, il avait une petite casquette stylée, une petite chemise, il était cool. Ouais. À l'aise au micro. Ouais. Tu vois, il sort des clichés d'experts comptables. Vraiment, moi tu m'aurais dit, il fait quoi dans la vie ? Ah putain, j'aurais dû faire ça. Agent immobilier. Non, je déconne. Parce qu'agent immobilier, on les aime pas trop. Il a l'air cool, Nico. J'aurais dû dire... Ouais. Je sais pas, il a l'air cool. Quoi. C'est dur parce qu'il a le petit truc. Le petit style, mais il a un peu un style aussi passe-partout. Ouais. Un quoi ? Un style passe-partout. Ah, ok. Il est grand. Hein. Il est grand ? Ah, parce que, bon, allez. C'est une blague pour moi. Ah, tu te fais une blague ? Passe-partout, faut être grand pour. Ah, putain, ok, j'ai compris. Waouh. Hein ? Oui. Il y avait une remarque à faire en plus ou non, ah, c'est pas. Tout. Je pense que là tout est. Tout non, mais j'aime bien, tu l'as bien raconté, oui. Tu l'as bien expliqué. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Un sujet nul ? Est-ce que t'as pas un sujet un peu nul ? Mais si, bien sûr que j'ai un sujet nul. J'ai un sujet nul. Est-ce que t'as déjà remarqué, mais tout le monde l'a déjà remarqué, les enfants, ils ont trop de mal, je sais pas jusqu'à quel âge, à dire bonjour et au revoir. Exact. Genre, mais on leur casse la tête, les parents, à dire bonjour, au revoir dans chaque magasin. Ouais. Et t'as vu comment les gens, ils sont affolés ? Bonjour, madame. Et les gens, ils sont mignons, alors qu'on les a forcés à dire bonjour, madame. L'enfant, il a rien à foutre de dire bonjour, madame. Ouais, puis il y a plein de fois, tu vois, ils ont pas envie. Ouais. Moi, je fais, bah, tu me diras bonjour plus tard, on s'en tape, quoi. Et tu vois, les darons qui font aussi... S'il te... S'il te... plaît. Voilà. C'est bien, elle l'a dit toute seule. C'est bien, Mais... Merde. J'ai gardé mes neveux hier, et à un moment, ils m'ont dit « Ouais, je veux un bout de fromage. » Je m'en dis quoi ? S'il te plaît. Et c'est vrai que j'étais un peu content. Et j'ai fait un autre truc. À un moment, j'ai roté. Et dans leur famille, t'as le droit de roter, mais faut dire pardon. Ça me pourquoi fait pardon ? Alors que ça veut dire que t'as bien mangé dans d'autres cultures. Mais non, mais là, c'est juste... Tu sais, tu peux faire « Pardon, pardon. ». Et c'est, la règle, c'est parce que leur père fait ça, quoi. Leur père rote comme un bœuf. il, surtout en plus, il rote dans sa bouche et il pense qu'on l'entend pas. Et il fait, je fais Claude. Il fait, oh pardon. Claude, il rote. Il rote, oh oui, il rote beaucoup. Claude, c'est quand même quelqu'un qui revient souvent dans ce podcast. Bah, pour les trucs de porc, ouais. Ça va, non ? Non, ça va. C'était quoi le sujet ? Ah ouais, c'était juste le bonjour, au revoir. Oui, mais ça me fait rire, moi, c'est comment les gens s'affolent de genre, ah, ils sont trop gentils, les enfants, alors que les parents, ils ont dit, t'as intérêt à dire bonjour. Enfin, tu vois, on leur met la pression. Ouais, mais tu vois, moi, je crois, quand j'étais petit... Et après, ça devient un réflexe. Ils disent bonjour à tout le monde dans la rue. Moi, ouais, quand j'étais petit, je crois que j'étais un peu timide, tu vois. D'un coup, ça me foutait un coup de pression de dire bonjour. C'était... Après, ça dépend d'où t'as grandi, en fait. Parce que genre, Marine, quand elle est arrivée à Lille, elle disait bonjour à tout le monde dans la rue. Elle est arrivée à quel âge ? 17, 18, bah, après le lycée, quoi. Elle vient d'où ? Elle vient du... Non, du Pas-de-Calais. Mais elle disait... Tu vois, elle avait... Elle vient pas d'une grande ville. Elle vient... Bonjour. Mais tu vois, quand tu grandis dans des petites villes, voire des villages, t'as l'habitude de dire bonjour à tout le monde, en fait. Parce que tout le monde se connaît. Et en fait, t'arrives dans une grande ville, tu gardes un peu ce truc-là. Non, c'est pas possible. Moi, j'ai compris, en tout cas. Ouais, après, moi, je rentre dans un commerce. Mais quand tu rentres dans un métro, non, mais elle est rentrée dans le métro, par exemple. Tu vois. Bonjour, tu vas dans le métro, tu dis personne ne s'est dit bonjour, tout le monde fait la gueule. Alors que c'est cool de quelqu'un qui dit bonjour. Ouais, c'est, mais ça peut être. C'est toujours cool un métro qui rigole, tu vois. Quelqu'un qui fait un truc. Non, non. Ça me fait. C'est toujours cool un métro qui rigole. Mais oui. Attends. Et un métro qui est à l'heure, en fait. Un métro qui est pas en panne. C'est peut-être pas mieux, Martin, qu'un métro qui rigole. Non, il n'y a rien de mieux qu'un métro qui rigole. Un métro en double rame, Martin. Mais monsieur Martin, en fait, les municipales, vous pensez vraiment les gagner avec un métro qui rigole ? Vraiment, vous pensez ça ? C'est mon slogan. Mais vraiment. C'est mon slogan. Ça va marcher, non ? Un métro qui rigole. Une métro. Parce que c'est une métropole, monsieur. Oh là là, mais l'inclusif, mais où allez-vous ? Ça serait génial. Chaud, chaud, bouillon. Une métropole qui rigole. C'est trop mon slogan. Votez-moi. Votez Martin, une métropole qui rigole. Un métro. Vos animateurs sont pas pour la sécurité, mais vous pour des blagues. Stand-up dans les métros. Un métro qui rigole. Vous avez un autre. Non, mais c'est vrai, je trouve. Moi, ça me fait toujours rire des gens qui font rire les autres. Un métro qui rigole. De quoi ? Hein ? Non, non, mais c'est bien, ouais. Mais oui, c'est un super sujet, ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas envie de dire bonjour quand je prends le métro. Et ben voilà, bah, Marine, elle s'était déjà rentrée dans le métro et dire bonjour. Bonjour, bonjour, tu vois, là. Et c'est cool. Non, mais c'est bien de dire bonjour. Et je pense que des enfants que t'arrêtes pas de faire chier à dire bonjour, bah dans le métro ils arrivent et ils disent bonjour. Tu crois ? Bah, on a pas de gosses, mais. Je pense que oui. Mais de toute façon, pour les troquer, c'est un peu l'idée de penser pour les autres. Donc je pense que oui. Voilà. Bonjour. Je remets bien mes oreilles, tu sais. Qui c'est qui te dit bonjour ? Mes neveux, ils me disent bonjour ? Bah, il est plus grand, il dit bonjour le grand, mais la deuxième, non, il dit pas bonjour ni au revoir. Par contre, quand il faut un feutre... forcer à faire un bisou, tout ça, c'est bon. Ah ouais, ça, je m'en fous. Fais un bisou. Non, non, non, c'est bon, il veut pas. Ouais, mais moi, petit, j'aimais pas, tu vois. Et aujourd'hui encore, j'aime pas les au revoir. Tu sais, c'est genre, si on se dit au revoir et que quelqu'un que tu vois pas souvent, c'est allez, on se dit au revoir vite fait, ciao. Ah ouais. J'ai pas un truc larmoyant, que ça traîne et tout. Tu te rappelles quand je suis parti en Amérique du Sud ? Je suis parti de chez toi. Quoi. Trop long. Avec tout le monde qui était dans ma cuisine. C'était fou. C'était long. Ah ouais. Tu vois, par contre, moi, c'était sûr et certain, je t'accompagnais pas à Bruxelles. Ouais, mais déjà ça, c'était trop long pour toi, quoi. Bruxelles, c'était mort. Pourquoi j'étais chez toi ? Ah, parce que j'habitais chez toi. Et puis, je sais plus, le point de rendez-vous était là, c'était pas un dimanche, ça devait être un dimanche en plus. Ouais, on partait de là et il y avait tout le monde. Ouais. Ah, c'était marrant. Ah ouais, ouais, bah ça, c'était un peu long, tu vois. Bah oui. On a bu une bière ? On a mangé ? Je sais pas. Non, c'est juste on s'est donné rendez-vous pour partir, quoi. Ouais. Et ouais, les. Moi, j'ai jamais au revoir en soirée, hein, par exemple. Ouais, mais c'est en pas soirée. Des grands au revoir, quoi. Ouais. Là, toi, tu parlais des grands au revoir. Ouais, tu vois, par exemple, tu te vois pendant les vacances, en famille. Allez, la bise, au revoir, ciao. Tu crois qu'on peut vapoter dans ce truc ? Parce que putain, je vapote. Ouais. Je suis le mec qui s'en tape. Mais je me retourne pas, tu vois, je suis focus sur toi, moi. Personne nous fait de remarques. C'est vrai. Il y a des gens qui nous regardent. Ouais, parce qu'on a des micros. Ouais. Et ils pensent que l'un de nous deux est célèbre. Ils savent pas lequel. Ouais. Moi, souvent, on me confond avec Camini. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais à la salle de sport. T'as dit Camini ? Je suis Picard aussi. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Autant pour moi. Moi, je ressemble à un ouvrier. Donc la star, c'est toi. C'est Camini. Bah, moi, j'ai un pantalon de pluie, je ressemble à un sac à sapin, quoi. Il voit pas ton pantalon. Mais je viens de le dire. Je ressemble à un sac à sapin. Ah, les gens te voient. Ah oui, dans le chaud bouillon, je crois que les gens qui écoutent. Et puis t'as le droit de dire ce que tu veux dans ce podcast, je suis pas là pour censurer en fait. Que les choses soient claires, Pierrot. Je t'ai jamais censuré, c'est pas demain que je vais commencer. Non, non, mais c'est bien. Je suis bon à être ok. Je suis bon à être ok. Je suis bon à être ok. Voilà. C'était tout pour toi. Bonjour, au revoir. Voilà. Non, mais en fait, ça me. Au revoir, merci. Tu l'as revoir, mis ça, c'est ça le dernier son ? Mais j'y ai pensé parce qu'en vacances, tu vois plein de copains, donc t'as le temps de voir un peu les enfants des copains, comment ils réagissent et les réactions des parents, tout ça. Les embrouilles. Par exemple, ma filleule. Quand ils râlent, quand ils. Tu sais, qu'ils font le mec vénère et qu'ils se retournent ton pote et ils rigolent. Ouais. C'est ça. Ouais, ça suffit ! Ils se regardent, ils font. C'est dur, t'arrives à avoir un ton autoritaire ? Non. Je sais pas. Mais il faudrait que tu l'aies un jour. Tu te tais, Martin. Ok. Et donc, je disais ma filleule. Ma filleule, quand elle dit pas au revoir, tu vois. Même, elle est un peu désagréable d'un coup, tu t'es marré tout le temps avec elle. Et là, au moment où elle sait que tu vas te barrer, là, d'un coup, elle t'ignore un peu, elle te boude. Et parce qu'elle aime pas aller au revoir. Comme toi. Et du coup, cet été, je lui ai dit au revoir. Je lui ai dit, je lui fais un petit bisou. J'ai fait, allez, taïo. Et je lui ai dit, pareil, Pierrot, il aime pas aller au revoir. Allez, on se voit bientôt. Salut. Drop mic. Et ciao. Et mon pote, il a fait, bien joué, Pierrot. C'est... T'as capté le del avec elle. Et j'étais comme ça, je fais, ouais, on est raccord. Et quand j'ai parti, j'ai chanté du Joule. Mais ça, c'est notre délire à nous. Elle adore Joule aussi ? Non, je sais pas, j'en ai mis dans la voiture. Ah oui, mais c'est bien. Mais Joule, c'est un rayon de soleil. Hein. Rayon de soleil, ma main sur ton petit cul, cherche le chemin. Voilà, c'était le sujet. À toi, Martino. Mais non, mais c'est bientôt la fin. On fait un conseil culture. Eh, Loulou, t'as de la chance, hein. On te fait des podcasts rallongés de ouf, quoi. Vas-y, j'en ai un dernier. On rallonge. Ouais, ouais. Cette semaine, j'ai payé avec des tickets resto, ça y est, Pierrot. Voilà, c'est qui le boss ? Des tickets ou une carte ? Carte, mon gars, carte. Ça y est, et j'ai dit, et là, j'ai écrit mes notes, j'ai écrit payé avec des tickets resto. Mais quel plaisir ! Ah ouais ? Mais je sais pas, moi, j'en ai jamais eu. Tu sais que j'en ai fait. Moi, j'aime bien. La première fois que j'en ai eu, c'était il y a pas longtemps, c'était l'année dernière, je crois. Je les ai perdus. Je te l'ai dit. Ah bon ? Bah ouais. T'es nul. Bah moi, je me suis dit, je les mets de côté. Tatati tatata. Et la date, elle est dépassée. Je les ai perdus, bien sûr. Ah, c'est. Tu les as pas perdus physiquement, c'est juste la date, elle était dépassée. Je les ai perdus et je les ai retrouvés trop tard. Ah putain. Mais maintenant, j'ai la carte et je croyais que la carte c'était illimité, mais non. T'as un an quand même avec la carte. J'ai reçu ça comme. Ah, peut-être vous, ouais. Peut-être nous. Mais les ouvriers. Mais non, mais comme moi, je suis en CDI dans au-dessus, ma boîte. Col blanc, col bleu. Il les reporte sur l'année suivante. Oui. Ils mettent un message automatique, mais tu les conserves, quoi. Ok, mais je vais les claquanges, vous inquiétez pas. Et après, t'as un plafond. Hein. J'ai un plafond. 25 euros par jour. Je sais, alors, bah, je peux les claquanges. Ah ouais, tu peux même faire tes courses avec. Ah, mais t'es obligé d'acheter de l'alimentation ? Ouais. Et est-ce que tu achètes de l'alimentation et de la non-alimentation ? Ça fait le tri. Ça fait le tri, ouais. Ouais, c'est fou l'informatique. Putain, c'est dingue. Bon, bref, voilà, c'était un mini sujet. Franchement, vous avez des tickets resto, claquez-les, ça fait du bien. Normalement, quand t'as des tickets resto, moi je dois dire. Ah ouais, tu les as à combien ? C'est combien le montant sur ton ticket ? 10. Pas mal. Et genre, je sais plus, je crois que l'employeur met 6 et moi je mets 4. C'est pas mal. Ou c'est l'inverse ? Non, je pense que c'est plus ça, ce que t'as dit. L'employeur 6. Et ouais, et moi 4. C'est bien. Ouais, c'est bien, ouais. Bah voilà. C'est tout pour moi. C'est marrant. Juste derrière, il y a une ado. Elle bloque. Ouais, elle est comme ça. Wouh, ticket resto. Non, non, c'était plutôt le. Wouh, l'enregistreur. Non. Glace. C'est du lourd. C'est pas mal, Martin. Allez, conseil cul. Conseil culture. Ah, purée, j'ai oublié. Le mec, il a bossé dessus depuis une semaine, il sait plus. Non, la musique, je l'ai. Non, c'est bon, je l'ai. Je suis allé au cinéma, il n'y a pas longtemps. Voir Sirat ? Exact ! Voir Sirat, je te l'ai dit. Non, non, mais je sais pas, c'est le film qu'il fallait aller voir en ce moment. Bah ouais, bah je l'ai vu, hein. Tu sais que je l'ai vu aussi. Tu l'as vu aussi ? Bah oui. Ah, je savais pas. Bah bien sûr que je l'ai vu. Tu l'as vu quand ? Il y a, je sais pas, 10 jours ? Une semaine ? Je sais pas. La semaine dernière ? Ça change quoi quand je l'ai vu ? Tu me regardes, faut que je trouve la date pile ou... Bah ouais, là t'as 10 jours, 7 jours, c'est quoi? Quelle séance, quelle salle. C'était à... c'est... Vas-y, vas-y. Majestic. C'était à l'UGC, Martin. Bah c'était l'UGC alors. Bah non, c'était Majestic. Au Majestic. Au Majestic. Et quelle séance? Peut-être c'était à l'UGC, j'en sais rien en fait. Bah, c'est quoi, en plus j'étais à Villeneuve. Ah, t'étais à Villeneuve? UGC Villeneuve. Et c'était à quelle heure? Vas-y, on s'en fout. C'était le soir, à 18h30, parce que je voulais pas... T'as mangé à Salad & Co ou quoi après? Ah ouais, avec Marine, j'ai mangé à Salad & Co. Pourquoi elle dit bonjour? Elle a pas dit bonjour. Faut savoir que ma copine ne mange pas de trop. Ne mange pas trop. Et elle dit très peu, moins. Enfin, les salades, c'est mort quoi. Et elle aime pas dire bonjour aux gens de Salad & Co. Non, non, on a mangé, je sais plus ce qu'on a mangé. On est obligé, on peut pas dire des marques. Si, on peut dire des marques. Buffalo Grill. Burger King. si on peut dire ce qu'on veut. Mais oui, je sais. Martin, et alors le film Bah tu peux pas spoiler, comment tu dis aux gens? Moi tout à l'heure j'étais avec des collègues, je leur ai dit allez le voir. Mais il y a un gars, il m'a posé la bonne question, il m'a dit mais c'est Good Vibes ou... J'ai dit non, c'est pas Good Vibes. Ah je sais pas. C'est Good Vibes. Moi j'ai dit c'est mystique. Moi j'ai dit c'est intense et fort. On dirait une barque pour un chewing-gum. Intense, Chris Prolls, intense et fort. Mange tes dents. Et fais-toi retirer les dents de sa chaise. Tes dents elles vont péter. Non c'est je pense c'est... Mais la musique est chouette hein. Allez, c'est ça la musique que tu vas mettre? Non. C'est un peu dans l'esprit. Ouais, la musique c'est un peu dans la l'esprit. La musique, un peu les vibrations là, un peu trans. Un peu comme ça, ouais. Ouais, j'ai bien aimé moi. Je trouvais ça stylé la musique. Ouais, je crois que ça joue beaucoup. Elle est bien. Beaucoup. On va... J'allais dire une phrase du film, mais je peux pas. Non, tu dis rien. Mais tu vois laquelle j'allais dire? Ouais. Tu vois laquelle moi? Ouais. Attends. Ouais, j'avais beau. C'est ça que t'es... Mais il est pas mal parce que le film, sans le dévoiler... Parce qu'on peut pas dévoiler, tu vois. Il est sur un rythme un peu lent, contemplatif, quand même. Ouais. Mais il reste rythmé à te dire, tu regardes pas l'heure, tu vois, tu regardes pas... Ah non, justement, ma collègue me dit, ouais, ça dure combien de temps? Je fais, mais c'est même... Il y a 1h55. Même question de temps. Mais je lui dis, c'est même une question de temps, quoi. Mais t'as raison. Le meilleur conseil, c'est aller le voir. On vous le conseille fortement. Et donc, on va terminer... Et les acteurs, tu savais que c'était des vrais teufeurs, du coup. C'est des comédiens amateurs, ouais. À part Sergi Lopez. C'est des vrais teufeurs. Ouais. Même pas des comédiens amateurs, c'est des amateurs. Non, mais c'est des... Oui. Bon. Et la première teuf, c'est une vraie teuf. Oui, ça m'étonne pas. Qui a duré 3 jours. Je te donne des infos. Je vous donne des infos. C'est des comédiens amateurs. Amateurs. Des comédiens amateurs. La kermesse, c'est à quelle heure? Donc, on va finir par... T'as rigolé, mais tu sais pas pourquoi, ouais. Martin, oh, on conclut là. Alors si vous êtes sur votre vélo et que vous êtes fatigué, allez. Reposez-vous. Non. Musique, non. Avance. Ah ok. Ouais, là tu change de plateau alors. Bah tu vas pas reconnaître la route du ravin quoi. Ok, change de plateau. Mystique. Mysticamente. Donc le groupe c'est Nothing. Compare. Sauf qu'il y a aucune voyelle comme d'hab. Donc ça ah, oui. NTHNG, Nothing. Et le morceau, c'est Turn to Gaia. Allez. Voilà. Let's go. Là-dessus. Ah, t'écoutes. De toute façon, il n'y a que moi qui l'écoute. Vu que Piao, il n'écoute pas le podcast. Tu fais le contrôle qualité. Je fais le contrôle quali. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Bonne écoute.